le maréchal Hulot ramena son frère, qui se tint sur le devant de la voiture, en laissant respectueusement son aîné dans le fond. Les deux frères n'échangèrent pas une parole. Hector était anéanti. Le maréchal resta concentré, comme un homme qui rassemble ses forces et qui les bande pour soutenir un poids écrasant. Rentré dans son hôtel, il amena, sans dire un mot et par des gestes impératifs, son frère dans son cabinet. Le comte avait reçu de l'empereur Napoléon une magnifique paire de pistolets de la manufacture de Versailles. Il tira la boîte, sur laquelle était gravée l'inscription « Donné par l'empereur Napoléon au général Hulot, du secrétaire où il la mettait », et la montrant à son frère, il lui dit « Voilà ton médecin ». Lisbeth, qui regardait par la porte entrebâillée, courut à la voiture et donna l'ordre d'aller au grand trot rue Plumet. En 20 minutes à peu près, elle amena la baronne, instruite de la menace du maréchal à son frère. Le comte, sans regarder son frère, sonna pour demander son factotum, le vieux soldat qui le servait depuis 30 ans. « Beaupied, lui dit-il, amène-moi mon notaire, le comte Steinbock, ma nièce Hortense et l'agent de change du trésor. Il est 10h30, il me faut tout ce monde à midi. Prends des voitures, et va plus vite que ça, dit-il en retrouvant une locution républicaine qu'il avait souvent à la bouche jadis. Et il fit la moue terrible qui rendait ses soldats attentifs quand il examinait les genêts de la Bretagne en 1799, voire les chouans. « Vous serez obéi, maréchal, dit Beaupied en mettant le revers de sa main à son front.